الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajih sur Fiqh al-Sunnati wa al-Kitab al-Aziz, l'essentiel dans la compréhension du livre et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, on avait traité des piliers du pèlerinage, Arkan al-Hajj, qui sont au nombre de cinq selon l'avis de l'auteur, car il considère que car il considère que Al-Mabitu bil-Muzdalifa fait partie des piliers du pèlerinage et non des obligations du pèlerinage. Quant à la majorité des savants, Jumhur al-Ulama considère que Al-Mabitu bil-Muzdalifa est une obligation et non un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Donc le premier de ces piliers, c'est l'intention, c'est-à-dire de faire le pèlerinage et d'être sincère dans cette intention et de ne vouloir derrière ce pèlerinage que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le second pilier qui est al-wuqufu bi'arafah, qui est la station dans la zone de Arafah, qui est bien délimitée à nos jours de façon très précise, des limites ou plutôt des indications qui informe le pèlerin à la fois du début de Arafat, mais aussi de la fin de Arafat. Il y a, à notre époque, un État saoudien a mis en place des indications qui montrent l'entrée de Arafat et la sortie de Arafat. Donc le pèlerin sait lorsqu'il se trouve dans l'enceinte de Arafat ou non. Donc concernant le premier pilier qui est l'intention, c'est un pilier qui n'est pas propre au pèlerinage uniquement, mais qui est attaché ou qui concerne l'ensemble des adorations. À partir du moment où une adoration, quelle que soit la nature de celle-ci, n'est pas faite avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle se voit rejetée et non acceptée auprès d'Allah azza wa jalla. Donc le second pilier, c'est la station dans la zone de Arafat, et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hajj Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu montrer l'importance de Arafah dans le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que le pèlerinage, c'est Arafah. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas la station, celui qui ne reste pas à Arafah, le 9e jour de Dhul-Hijjah, son pèlerinage est nul. Son pèlerinage est nul, et s'il n'a pas fait cela, on ne parle plus de pèlerinage. Et il y a un autre hadith qui prouve le fait que de rester à Arafat et fait partie des piliers, parmi les piliers du pèlerinage, c'est le hadith de Urwa ibn Mudarris At-Ta'i radiyallahu anhu. Quel est le récit du hadith de Urwa ibn Mudarris? Non. Quel est le récit? Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait à Urwa ibn Mudarris? Il est venu faire le pèlerinage sans savoir, sans connaître les lieux du pèlerinage. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Muzdalifa. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fatigué ma monture et je me suis fatigué moi-même et je n'ai laissé de montagne ou de mont sans que je ne me sois posé dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui assiste à notre prière, celle-ci, et reste avec nous jusqu'à ce que l'on parte, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on parte à Arafat, aminan, jusqu'à ce que l'on parte aminan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Muzdalifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Muzdalifa, c'était le matin du dixième jour. C'était le matin du dixième jour de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Al-Muzdalifa, a pris la prière du Fajr, et resté sur le mont appelé Al-Mash'ar, jusqu'à ce que le soleil... Jusqu'à ce que le soleil se lève, ou avant qu'il ne se lève. Hatta asfara jiddan, jusqu'à ce que le soleil soit devenu très jaune, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait à se lever, mais il n'était pas encore levé. Et avant que le soleil ne se lève, le prophète sallam s'est dirigé vers Minan, en passant par... Il était le Mash'ar al-Haram. En passant par... Par Wadi Muhassir. Vous avez oublié? Le prophète sallam est passé par Wadi Muhassir et a emprunté la voie qui traverse Minan dans son milieu. La route qui traverse Minan dans son milieu. Et le professeur Hassem a accéléré le pas ou a accéléré l'allure de sa monture lorsqu'il est arrivé à Wadi Muhassir. Donc, Urwa ibn Mudarris radiallahu anhu est venu vers le professeur Hassem lorsque le professeur Hassem était à Al-Muzdalifa le matin du dixième jour. Et le professeur Hassem a répondu à sa question lorsqu'il lui a demandé « Est-ce que j'ai un pèlerinage ?» Après avoir... après être resté dans tous les monts que j'ai parcourus, est-ce que j'ai un pèlerinage? Est-ce que mon pèlerinage est accepté? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui assiste notre prière, celle-ci, et reste avec nous jusqu'à ce que l'on parte, wa qad waqafa, et qu'il est resté avant cela à Arafat de jour ou de nuit, faqad tamma hajju wa qadha tafatuh, faqad tamma hajju wa qadha tafatuh. Et donc c'est à ce moment-là que son pèlerinage est complet et valide. Donc dans ce hadith, on en déduit que le fait de rester à Arafat fait partie des piliers de l'islam, et on en déduit également que le fait de rester à Arafat commence quand? Le neuvième jour. Mais quand le neuvième jour? Et certains savants, comme Imam Ahmed rahimahullah, ont compris de ce hadith, Laylan ou Naharan, que le wukuf bi Arafat commence après le fajr du neuvième jour. Mais la plupart des savants considèrent que le wukuf bi Arafat commence après Ba'd al-Zawal, après que le soleil ait dépassé le zénith, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est rendu à Arafat qu'après le zénith, qu'après que le soleil se soit et dépassé le zénith. Et avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était où? Ah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était où avant? Il était à Milan. Il était à Namira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné qu'on lui monte une tente à Namira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à l'abri ou sous l'abri de cette tente et ne s'est dirigé à Arafat qu'après que le soleil ait dépassé son zénith, le soleil ait dépassé son zénith. Et le professeur sallam, avant d'arriver à Arafat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le khutbah, il a fait son prône et son discours. Et ce n'est qu'après avoir fait son discours que le professeur sallam a prié al-dhuhr et al-asr jam'an wa qasran. Et donc, le troisième pilier qu'a cité l'auteur est Al-Mabitu Bil-Muzdalifa. Al-Mabitu Bil-Muzdalifa, et on avait cité la divergence des savants à ce sujet. Certains savants considèrent que c'est une obligation, d'autres considèrent que c'est un pilier. Et sachant que les savants qui considèrent que Al-Mabitu Bil-Muzdalifa est un pilier sont très peu nombreux. Et même Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui ne considère pas Al-Mabitu Bil-Muzdalifa comme étant un pilier. Mais lui considère que c'est une obligation. Mais qu'est-ce qu'il considère comme un pilier? Salatul Fajr, Ahsant. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui considère que c'est la prière du Fajr qui est un pilier et non Al-Mabit. Car Urwa ibn Mudarris, est-ce qu'il a passé la nuit à Al-Muzdalifa? Non. Il n'est arrivé qu'après le Fajr. Il n'est arrivé qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié la prière du Fajr. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah considère que la prière du Fajr est un pilier, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man shahida salatana hadihi »« Man shahida salatana hadihi » Et on avait dit que l'avis de la plupart des savants est qu'ils considéraient que « Al-Mabitu bil-Muzdalifa »« Al-Mabitu bil-Muzdalifa » n'est pas un pilier, mais est une obligation. Et quelle est leur preuve? On l'avait vu ça la semaine dernière. La preuve, c'est que le professeur Hassan, lorsqu'il a dit « Faqad tamma hajju », celui qui prie notre prière et auparavant est resté à Arafat de jour ou de nuit, eh bien son pèlerinage est complet. Son pèlerinage est complet. Et ici, les savants ont compris que lorsqu'un pèlerinage est incomplet, est-ce qu'il est valide ou invalide? Certains savants ont compris qu'il est invalide, mais la plupart des savants ont compris que il reste valide, mais que sa récompense est diminuée. Car il aura manqué à un devoir parmi les devoirs du pèlerinage. فقد تم حجه لسفون جيك الإتمام ليس البطلان الإتمام هنا ليس البطلان. طيب ensuite on avait parlé du quatrième pilier qui est طواف الإفاضة quand est-ce que ce طواف a lieu طواف الإفاضة a lieu avant le جمرات ou après le جمرات. Non, mais pas Khilaf. Et le professeur Asselam Rama al-Jamrat al-Aqaba, thumma. Puis le professeur Asselam a fait quoi? Thumma nahara, thumma halaqa, thumma tafa, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le professeur Asselam a fait le sa'i? Il a fait le sa'i, le professeur Asselam? Est-ce que le professeur Hassan a fait le sa'i pendant le Hajj? Non. Oui ou non? Le professeur Hassan n'a pas fait le sa'i. Il n'a pas fait le sa'i car il a fait son pèlerinage en étant qarin. Le professeur Hassan a fait son pèlerinage en étant qarin. Quant au mutamatti, lui, il doit faire à la fois tawaf al-ifada et al-sa'i. Donc, la sunna du professeur sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire al-tawaf, après avoir lapidé la grande stèle, après s'être rasé la tête et après avoir égorgé sa bête. Mais celui qui a fait le tawaf avant d'avoir lapidé la stèle, le professeur Sam a dit la haraj. La haraj, car les compagnons du professeur Sam sont venus le voir et ont dit, certains m'ont dit, je me suis rasé avant d'avoir égorger la bête. Le professeur Sam a dit la haraja, la haraj. D'autres ont dit j'ai fait le tawaf après avoir fait arami. J'ai fait le tawaf avant d'avoir fait arami. Le professeur Sam a dit la haraja, la haraj. Et ainsi, le professeur Sam était avec ses compagnons durant ce pèlerinage. Il nous disait il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Certains ont dit qu'ils avaient lapidé la stèle que lorsque la nuit était tombée. Et le professeur Hassan m'a dit « La haraja, la haraj ». Donc, tawaf al-ifada fait partie des piliers du pèlerinage, et c'est le tawaf du pèlerinage qui est fait le dixième jour de Dhul-Hijjah qui est fait le dixième jour de Dhul-Hijjah qui est Yawmu al-Nahr, qui est aussi Yawmu al-Eid ou qui est aussi appelé Yawmu al-Hajj al-Akbar. Il est aussi appelé Yawmu al-Hajj al-Akbar. C'est le jour du grand pèlerinage. Et il est appelé ainsi car c'est dans ce jour où il y a le plus de rites à accomplir. Car c'est dans ce jour que le pèlerin a le plus de rites à accomplir, à savoir de rester à Muzdalifa le matin avant que le soleil ne se lève, puis de se diriger à Mina, puis de lapider la grande stèle, puis de se raser la tête, puis d'égorger sa bête, puis d'aller à Mecca, à la Mecque, au Masjid al-Haram, de faire le tawaf, de faire le sa'i pour celui qui est mutamattia, puis de revenir à Mina. C'est le jour où il y a le plus de rites à accomplir, d'où le fait que les savants l'ont appelé Yawm al-Hajj al-Akbar. Et quelle est la preuve que Tawaf al-Ifadah est un pilier parmi les piliers du pèlerinage? Déjà, dans le Coran, quelle est la preuve? وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Et qu'il fasse les tournées autour de la maison Al-Atiq. Al-Atiq, qu'est-ce que ça veut dire Al-Atiq? L'ancienne, Ahsant. L'ancienne, pourquoi c'est l'ancienne? La preuve dans le Coran que c'est l'ancienne, qu'elle est ancienne. Quelle est la preuve que Al-Bayt, que la Kaaba, que la maison d'Allah Azzawajal est ancienne? إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا. La première maison qui a été établie pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens, c'est la Kaaba, c'est Baytullah Azza wa Jal. Donc c'est la première maison qui a été construite pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens. Donc cela nous prouve que c'est une maison qui est très ancienne, d'où le fait qu'Allah Azza wa Jal l'ait appelé Al-Atiq. Donc qu'il fasse les tournées autour de la maison ancienne. Et aussi, on avait cité la preuve, comme preuve du caractère, du fait que Tawaf al-Ifada est un pilier, c'est le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, lorsque Safiya binti Huyay a eu ses menstrues, et Aïcha radiyallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'elle a été empêchée? Est-ce qu'elle a été empêchée? Et Aïcha radiyallahu anha a dit, ô envoyé d'Allah, elle a fait le tawaf de l'ifadah avant d'avoir eu ses menstrues. Elle a fait tawaf ou l'ifadah avant d'avoir eu ses menstrues. Et le professeur Hassem lui a dit, faltanfir idhan, qu'elle parte alors. Qu'elle parte alors. Et le fait que le professeur Hassem ait jugé cela comme étant bloquant en disant, est-ce que son pèlerinage est suspendue ou est-ce qu'elle est arrêtée, est-ce qu'elle est bloquée, c'est-à-dire qu'une femme qui a ses menstrues et qui ne peut pas faire le tawaf de l'ifada est bloquée. Elle est bloquée, c'est-à-dire que son pèlerinage n'est pas encore terminé et qu'elle doit absolument faire ce tawaf. Cela nous prouve que c'est un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Et dans ce hadith, il y a aussi une preuve que Tawaf al-Wada' n'est pas un pilier parmi les piliers de l'islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à Safiya bint Huyay de partir avant d'avoir fait Tawaf al-Wada' qui est le Tawaf de l'adieu. Quant à une femme qui a ses menstrues et qui n'a pas encore fait son Tawaf de l'Ifada, que doit-elle faire? Non. Il y a combien d'avis des savants? Quel est l'avis des savants? Une femme qui a ses menstrues et qui n'a pas encore fait son tawaf du Hajj. On avait dit que certains savants, parmi eux, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, et à notre époque, Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Ibn Baz, rahimahumallah, considèrent ou disent qu'il est autorisé à la femme de se protéger, de mettre une protection sur leur partie génitale et de faire le tawaf dans cet état, car c'est un cas de force majeure. Car c'est un cas de force majeure et le tawaf de l'Ifada étant un pilier parmi les piliers du pèlerinage, la femme doit absolument le faire avant de partir. La femme doit absolument le faire avant de partir. Et il donne comme précision que si c'est une femme qui n'habite pas loin de la Mecque, eh bien il lui est autorisé de partir et de revenir. Si son mahram, son tuteur ou son accompagnateur parmi les personnes qui lui sont interdites au mariage doivent partir et qu'elle habite dans les environs ou à proximité ou pas très loin de la Mecque, il lui est autorisé de partir et de revenir pour terminer son pèlerinage. Et on avait dit que dans ce cas-là, son mari n'avait pas le droit de l'approcher. Son mari n'avait pas le droit de l'approcher, car cette femme est toujours en état de tahallul asrar. Elle est toujours en état d'autorisation mineure. C'est-à-dire qu'elle a le droit de tout faire, sauf d'avoir des rapports avec son mari. Et il y a l'autre avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui lui considère que il lui est interdit de faire le tawaf lorsqu'elle a ses menstrues, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, si cette femme était malade et était hospitalisée, est-ce que son tuteur resterait avec elle, à ses côtés? Oui. Donc pourquoi est-ce qu'il resterait avec elle si elle est hospitalisée et qu'il ne resterait pas avec elle si elle est en état de monstrue, ne pouvant pas faire un pilier parmi les piliers de son pèlerinage? Ensuite, on avait parlé du cinquième pilier selon l'auteur et le quatrième chez la plupart des savants qui est As-Sa'yu, qui sont les allées-venues entre As-Safa wa al-Marwa et la preuve et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Fas'au, is'au, fa inna Allah kataba alaykum as-sa'i. Faites le sa'i car Allah vous a prescrit le sa'i. Ensuite, on avait parlé des obligations du pèlerinage. La première obligation qui est al-ihram min al-miqat, c'est de faire al-ihram au niveau du miqat. Au niveau du miqat, on avait dit que cela était une obligation. Quant à l'ihram, lui, il fait partie des al-ihram. Il fait partie des piliers du pèlerinage. Il rentre dans un niya, car on avait vu que l'ihram c'était niyatu dhul nusuk. C'est l'intention de rentrer dans le rite. Donc al-ihram, à savoir l'intention de rentrer dans le rite, de faire la umrah, de faire le hajj, ou de faire le hajj et la umrah ensemble, cela fait partie des piliers parmi les piliers de l'islam. Mais de faire l'ihram du miqat, ceci n'est pas un pilier mais une obligation. Et de faire l'ihram du miqat, c'est-à-dire d'enlever ses vêtements, de mettre son rida et son izar, et de dire labbaik Allahumma bi'umrah, ou bien de dire labbaik Allahumma hajjatan wa umrah. Ensuite, on avait parlé de Al-Mabit Bimina Filayal et Tashriq, le fait de dormir à Minan les nuits des jours du Tashriq. Et Ayam ou Tashriq, ce sont le 11e jour, le 12e jour et le 13e jour de Dhul-Hijjah. Et ce sont des jours qui font partie ou que les savants considèrent comme des jours de fête en islam. C'est pour ça que le professeur Sam a dit Ayamu Tashriq, Ayamu Aklin, wa Shurbin, wa Dikrin Lillah. Les jours du Tashriq sont des jours dans lesquels on mange, on boit et dans lesquels on fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants ont même interdit, ont considéré qu'il était interdit de jeûner ces trois jours. Non. Arhamukallah. Sauf celui qui doit jeûner 10 jours. Naam, sauf celui qui doit jeûner 10 jours, car c'est une obligation pour lui. Car c'est une obligation pour lui de jeûner. Taïb. Ensuite, on avait parlé de l'autorisation pour certaines personnes de ne pas dormir à Minan. À qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de ne pas dormir à Minan durant ces trois nuits? Naam. Les bergers, Ru'a ou l'Ibil, ceux qui avaient pour charge ou pour tâche de garder les chameaux des pèlerins. De garder les chameaux des pèlerins. Et on avait cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait autorisé de ne pas dormir à Minan durant les jours durant les nuits de Tashriq, des jours de Tashriq, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait également autorisé de faire le ram, l'appellation du 11e et 12e jour, soit le 11e. Non, de rassembler la lapidation de deux jours en un seul. De rassembler la lapidation de deux jours en un seul jour. Et le fait que le professeur Hassan ait fait cette dérogation à ses bergers de ne pas dormir à Minan, cela prouve qu'il est obligatoire à autre que de faire al-mabit ou bimina. Ayam filayal et tashriq. Ensuite, on avait parlé de ramyul jimar, le fait de lapider les stèles à la suite et dans l'ordre. Et on avait dit que le 10e jour de Dhul-Hijjah, quelle stèle devait être lapidée? La grande, qui est appelée Jamratul Aqaba. Elle doit être lapidée le 10e jour de Dhul-Hijjah, qui est le jour de l'Aïd, Yomun Nahr, et qu'elle devait être lapidée de cette pierre. Puis, de lapider les trois stèles, les jours de Tashriq, en commençant par la petite, puis la moyenne, puis la grande. Et on avait vu que la grande, c'était celle qui était la plus éloignée de Minan et la plus proche de la Mecque. Et quant à la petite, c'est celle qui est la plus proche de Minan et la plus éloignée de la Mecque. Et chacune de ces trois stèles doit être lapidée après Az-Zawan, Ahsan, après que le soleil ait dépassé son zénith, et chacune de sept pierres. Et concernant Jamrat al-Aqaba, le jour de l'Aïd, à partir de quand doit-elle être lapidée? Non? Ba'da Tulu' al-Shams. Ba'da Tulu' al-Shams. La grande. Ba'da Tulu' al-Fajr, afwan. La grande stèle, le jour de l'Aïd, doit être lapidé après Al-Fajr. Après Al-Fajr. Et certains savants ont même considéré que ceux qui accompagnaient les femmes et les personnes faibles, car le prophète sallam a autorisé aux femmes et aux personnes faibles, âgées ou celles qui sont faibles physiquement, de partir après la moitié de la nuit, la nuit du 10e jour, c'est-à-dire... Sinon, on parle selon nos codes à nous, c'est la nuit du 9e jour. La nuit du 9e jour. C'est-à-dire la nuit de... Parce qu'en arabe, quand on dit la nuit d'un jour, c'est la nuit qui précède ce jour. Car en arabe, en islam, la nuit précède le jour. La nuit précède le jour. Lorsqu'on dit la nuit du 9e jour, c'est le soir du 8e. Quand on dit la nuit du 10e jour, quand on dit Laylat al-Eid, c'est... La nuit du 9e jour. C'est la nuit du 9e jour. Et ici, le professeur Asselam a autorisé aux femmes et aux personnes âgées et personnes faibles de partir Laylat al-Eid après la moitié de la nuit pour éviter le fait que les gens se retrouvent dans la foule pour leur éviter la foule et la grande quantité de personnes qui se dirigeront vers Minan. Le professeur Hassam leur a autorisé. Et certains savants ont considéré que les personnes qui les accompagnaient, qui eux n'étaient pas faibles, car ces personnes ont besoin d'accompagnateurs, que ces personnes-là, il ne leur est pas autorisé de lapider la grande stèle avant Al-Fajr. Qu'il ne leur est pas autorisé de lapider la stèle avant Al-Fajr. Car certains savants, ils considèrent qu'il est autorisé aux femmes et aux personnes faibles de lapider la stèle avant Al-Fajr. Et d'autres savants considèrent que cela n'est pas autorisé et qu'ils doivent le faire après Al-Fajr. Et la divergence tourne autour de ce qu'a fait une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a prié Al-Fajr à Mecca. Et dans ce hadith, il n'est pas cité de façon explicite si elle avait fait Ar-Rami avant ou après. Et certains savants ont considéré qu'elle a fait la prière du Fajr à la Mecque. Cela veut dire qu'elle avait fait la lapidation de la grande stèle avant. Et d'autres savants ont considéré qu'il n'y avait pas dans ce hadith cette information et qu'on devait rester dans la base qui est que la grande stèle doit être lapidée après l'apparition de l'aube et non avant. Non. Une question, le 11, le 12, le 13, on doit lapider tous les jours les trois stèles ? Non, tous les jours les trois stèles. Et chaque stèle de cette pierre est toujours après que le soleil ait dépassé son zénith. Ba'd az-zawal. Et donc on avait parlé des trois stèles, et on avait cité le hadith authentifié par Cheikh Al-Abid rahimahullah, qui rapporte que Ibrahim alayhi salam avait été empêché par le diable à trois reprises d'accomplir les rites du pèlerinage, et que Ibrahim alayhi salam à trois reprises l'a lapidé de cette pierre, et les trois endroits consécutifs sont les endroits où il y a actuellement les trois stèles, la petite, la moyenne et la grande, et qu'il ne faut pas comprendre dans cela qu'il y a un diable posé ou positionné au niveau de ces stèles et qui est lapidé, non, mais que cela est un rappel, que à travers cela le musulman se rappelle ce qui était arrivé à Ibrahim alayhi salam ce jour-là. Concernant les pierres qui servent pour lapider, il n'y a pas d'endroit bien précis. On peut comprendre que dans certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ou a demandé qu'on lui donne les pierres au niveau de Jamrat al-Aqaba. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé la grande stèle en étant sur sa monture. Et Cheikh l'Islam Outaymiyyah rahimahullah lui considère qu'il n'y a pas d'endroit bien précis dans lequel il est préférable aux musulmans de prendre ces sept pierres. Donc tu as le droit de prendre ces sept pierres dans ta route à Minan ou à Al-Muzdalifa selon tes possibilités et selon ce qui est le plus facile pour toi. Entre l'apidation, il y a des invocations à faire. Le professeur Hassan, lorsqu'il lapidait une stèle, il positionnait la Mecque à sa gauche et Minan à sa droite. Le professeur Hassan se mettait en face de la stèle et mettait la Mecque à sa gauche et Minan à sa droite. Et le professeur Hassan lapidait les sept stèles et les trois stèles afouan de cette pierre. Et la lapidation, cela consiste à ce que la pierre tombe dans l'espèce de bassin qu'il y a. Car en fait, les trois stèles sont un bassin avec au milieu une colonne qui est appelée la stèle. Et un rami est valide lorsque la pierre tombe dans le bassin et non pas lorsqu'elle touche la stèle. La pierre doit absolument tomber dans le bassin. Et lorsque la personne est persuadée que la pierre n'est pas tombée dans le bassin, ou doute que la pierre n'est pas tombée dans le bassin, ou soupçonne fortement que la pierre n'est pas tombée dans le bassin, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit recommencer. Et lorsqu'il est sûr que la pierre est tombée dans le bassin, ou lorsqu'il soupçonne fortement que la pierre est tombée dans le bassin, dans ce cas-là, il considère son geste, ce lancement, comme étant valide. Non. Il y a des gens qui lancent leurs sandales. Ça fait partie des innovations. Ceux qui lancent les sandales pensent justement qu'ils lapident le diable. Et on a vu que il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la sunna du professeur Asselam, ni dans les faits des compagnons, qu'ils ont considéré que le diable était lapidé ou qu'il était présent à cet endroit. Donc, le professeur Asselam a lapidé de cette pierre, et ce n'est pas n'importe quelle pierre. On avait vu que c'était les pierres qui étaient utilisées pour dans le lance-pierre, qui étaient utilisées dans Hass al-Khadv, et qui devait être, les savants ont donné comme moyen de repérer la taille idéale de cette pierre comme étant plus grande qu'un pois chiche et plus petite qu'une fève. Donc si les savants sont aussi, si le professeur Asselam était aussi précis dans la taille de la pierre, que dire des personnes qui lancent autre qu'une pierre ? Yani, on doit adorer le professeur Asselam comme il nous l'a enseigné. Le professeur Asselam a dit « Khudu anni manasikakum » « Prenez de moi vos rites » c'est-à-dire « Faites le pèlerinage comme je l'ai fait et ne faites pas d'innovation et n'essayez pas d'utiliser des moyens ou de faire des actes que je n'ai pas fait. » Non, d'adorer Allah Azza wa Jal conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se positionnait en face de la stèle, la lapidée de cette pierre, et lorsqu'il lançait chaque pierre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir. Disait Allahu Akbar au moment de chaque lancée. Au moment de chaque lancée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dixième jour de Dhul-Hijjah, a lapidé la grande stèle, lorsqu'il a fini de lancer sa septième pierre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors abstenu. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté la talbiyah. C'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté la talbiyah. Donc concernant Al-Qarin, quand est-ce qu'il commence la talbiyah ? Quand est-ce qu'il la commence ? Quand il se met en état d'ihram. Donc s'il vient de Médine, il commence la talbiya de Dhul-Hulayfa. Et ceci jusqu'au dixième jour de Dhul-Hijjah, lorsqu'il a fini de lapider la grande stèle. Donc il doit faire la talbiya autant que possible lorsqu'il arrive, et également le huitième jour de Dhul-Hijjah, le neuvième, et au Mu'arafah, jusqu'à ce qu'il termine de lapider la grande stèle de cette pierre. Donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait, lorsqu'il avait lapidé la petite stèle, ça c'est Ayyam al-Tashriq, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les trois jours de Tashriq, lapidait les trois stèles chacune de cette pierre, il lapidait la première, puis se dirigeait vers la Qibla. Puis se dirigeait vers la Qibla en levant ses mains et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers la moyenne stèle, celle qui est entre la petite et la grande, la lapidée de cette pierre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se positionnait à droite de celle-ci, en se dirigeant également vers la Qibla, vers la Mecque, en levant ses mains et en invoquant longuement Allah subhanahu wa ta'ala. Puis lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lapidait la grande stèle, est-ce qu'il a invoqué après ? Non, il partait. Une fois qu'il avait lapidé la grande stèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait. Donc, il a invoqué combien de fois Allah Azza wa Jal ? Deux fois, après avoir lapidé la petite stèle et après avoir lapidé la grande. La moyenne, afwan. طيب رابعاً طواف الوداع لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض حديث متفق عليه. Donc la quatrième obligation parmi les obligations du pèlerinage, c'est le tawaf de l'adieu. Le tawaf de l'adieu, la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, lorsqu'il dit: les gens ont été ordonnés, où il a été ordonné aux gens que la dernière chose qu'ils fassent soit le tawaf autour de la maison, d'Allah Azza wa Jal, sauf que cela a été allégé envers la femme qui a ses menstrues. Sauf que cela a été allégé envers la femme qui a ses menstrues. Ici, Abdullah ibn Abbas a dit « Umiran nas » les gens, où il a été ordonné aux gens. Qui a ordonné aux gens? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc la parole d'Ibn Abbas sallallahu anhu, les savants disent qu'elle a le jugement du marfou'a. Qu'elle a le jugement du marfou'a, c'est-à-dire qu'elle a le jugement, c'est-à-dire c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Car celui qui ordonne, c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc il a été ordonné aux gens que la dernière chose qu'ils fassent soit autour de Al-Bayt, que la dernière chose qu'ils fassent soit autour de la maison. Or, quelle est la chose qui n'est spécifique qu'à la Kaaba? C'est At-Tawaf. La seule chose qui est spécifique pour la Kaaba, c'est At-Tawaf. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit « Wa liyattawwafu bil baytil atiq » et qu'il fasse le tawaf autour de la maison. Donc il est interdit de faire le tawaf autour de quelque chose autre que la Kaaba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la dernière chose qu'il fasse se fasse au niveau de la Kaaba, c'est-à-dire le tawaf. Sauf que cela a été allégé, c'est-à-dire sauf que ce jugement a été allégé pour les femmes qui ont leurs menstrues. Sauf que cela a été allégé pour les femmes qui ont leur menstrues. Et quel est le jugement des femmes qui ont leur lochi? C'est le même. Les savants disent que c'est le même que la femme qui a ses lochi. Ses jugements sont identiques à la femme qui a ses menstrues. Donc une femme qui a ses menstrues et qui ne peut pas faire son tawaf d'adieu, eh bien, il lui est autorisé de partir sans pour autant le faire. Donc ici, le professeur Hassan me dit que la dernière chose qu'il fasse, mais les savants ont dit qu'il y a certaines choses qu'il peut faire et qui ne contredisent pas le fait que ce soit la dernière chose qu'il ait fait. Comme par exemple de prier, ou bien de manger, ou bien d'acheter une chose dont il a besoin, et certains savants ont dit dont il a besoin personnellement et non pas pour la vente. Donc si tu as fait ton tawaf et que tu as faim, est-ce que tu as le droit de manger ou tu dois absolument quitter la Mecque? Tu as le droit de manger. Si la prière a lieu dans 10 ou 15 minutes, est-ce que tu pars obligatoirement ou est-ce que tu as le droit de rester afin de prier et de profiter de la récompense qui est de 100 000 prières? Tu as le droit de rester. Si durant ton chemin pour partir, tu as besoin d'acheter quelque chose, est-ce que tu as le droit de le faire? Si c'est quelque chose de... ce n'est pas un grand achat, mais une chose dont tu as besoin ou que tu as oublié, tu as le droit. C'est des choses qui sont, entre guillemets, qui ne sont pas importantes ou qui ne prennent pas beaucoup de temps, eh bien, il t'est autorisé de le faire même après que tu aies accompli le tawaf d'adieu. خامسا الحلق أو التقصير ثبت الحلق والتقصير بالكتاب والسنة والإجماع. La cinquième obligation du pèlerinage, c'est de se raser la tête ou bien de raccourcir ses cheveux. De raser la tête ou de raccourcir ses cheveux. Il a été rapporté que, ou plutôt le fait de raser la tête et de raccourcir ses cheveux a été rapporté dans le livre, c'est-à-dire dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité des savants. Quant à la preuve dans le Coran, Allah azza wa jalla a dit, « قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. » La preuve dans le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit « Allah Azza wa Jal a été véridique. » Allah subhanahu wa ta'ala a été véridique dans la vision par laquelle il a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en toute vérité. vous entrerez dans la mosquée sacrée, si Allah le veut, en étant en toute sécurité, en ayant le crâne rasé ou les cheveux raccourcis, sans avoir peur, sans pour autant que vous n'ayez de crainte. Non. On va voir, Inch'Allah. Donc ici, dans ce verset, لقد صدق الله رسوله الرؤيا, Allah subhanahu wa ta'ala a dit vrai lorsqu'il a informé son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et la parole d'Allah azza wa jal, c'est celle qui est la plus véridique. C'est pour cela qu'Allah azza wa jal a dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Et qui est plus véridique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la parole d'Allah azza wa jal est la plus véridique des véridiques. Et le prophète Allah azza wa jal a dit vrai à son prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve, lorsque Allah azza wa jal a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers un rêve qu'il rentrerait à la Mecque en étant en toute sécurité et en ayant le crâne rasé ou les cheveux raccourcis sans avoir de crainte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette vision, comme on l'a vu la semaine dernière, lorsqu'il était où ? À Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, il a vu cette vision en rêve et on a informé ses compagnons, radiyallahu anhum, qui étaient contents d'apprendre cette nouvelle et qui ne doutaient en aucun cas de la véracité de ce propos et de cette information que leur a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient persuadés qu'ils rentreraient un jour à la Mecque en faisant leur rite du pèlerinage, en étant en toute sécurité, c'est-à-dire en n'ayant plus peur de Quraysh et des autres polythéistes ou de leur répression ou autre. Donc Allah azza wa jalla a dit vrai et on avait cité la semaine dernière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti avec ses compagnons pour faire la Umrah et qu'il avait été refoulé par Quraysh qui lui avait interdit de faire cette Umrah cette année-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec eux un pacte, a signé avec eux un pacte de paix qui est Sulh al-Hudaybiyah, et al-Hudaybiyah, on avait vu que c'était un endroit qui était proche de Mecca, il appelait Hudaybiyah car il y a là-bas un puits appelé Hudaybiyah. Et les compagnons radhiyallahu anhum étaient très touchés de ce refus et de cet acte de paix qu'a signé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Quraysh, car ils avaient dans leur esprit la promesse que leur avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est qu'ils rentreraient à la Mecque et qu'ils feront leur rite et qu'ils se raseront la tête ou raccourciront leurs cheveux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar al-Khattab, parce que Omar al-Khattab lui a dit, ne nous as-tu pas dit qu'on allait rentrer et faire notre rite? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, t'avais-je dit que tu allais le faire cette année? Et Omar al-Khattab a dit non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'avoir la certitude qu'il entrera un jour à la Mecque en toute sérénité et en accomplissant les rites de sa Umrah. Et ici Allah Azza wa Jal a cité Al-Halq et Al-Qasr. Ici dans ce verset, Allah Azza wa Jal a cité Al-Halq et Al-Qasr, le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité ces deux choses sans avoir cité des choses qui sont plus importantes, à savoir le tawaf et le sa'i? Est-ce que c'est important aussi? Non. La fin. Ahsan, car c'est la fin. Car si tu fais al-qasr, car si tu te coupes les cheveux ou si tu te rases la tête, c'est qu'auparavant, tu as fait le tawaf et le sa'i. Car al-halq et al-qasr, c'est ce qui rend al-muhrim, ou ce qui fait passer celui qui est en état de sacralisation, de son état d'ihram vers son état de halal. de son état de ihram vers son état de halal. Donc Allah Azza wa Jalla, s'il leur promet qu'ils rentreront à la Mecque et qu'ils se raseront la tête ou se couperont les cheveux, Allah Azza wa Jalla leur promet implicitement qu'ils feront la umra qui est constituée de tawaf, d'un tawaf et d'un sa'i. Et ici Allah Azza wa Jalla a commencé par al-halq, a dit muhalliqin ru'usakum wa muqassirin, a dit vous rentrerez la tête rasée ou les cheveux raccourcis. Et Allah Azza wa Jalla a commencé par le rasage avant le fait de raccourcir. Et les savants ont déduit qu'il y a dans cela une preuve que de raser le crâne est meilleur que de raccourcir les cheveux. La takhafoun, et Allah Azza wa Jalla a appuyé et a voulu insister sur le fait que les compagnons radhiyallahu anhum ne connaîtront pas de crainte lorsqu'ils accompliront ce pèlerinage ou cette umrah. Et Allah Azza wa Jalla a dit aminina la tadkhuluna al masjid al haram insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafoun. Allah Azza wa Jalla a dit qu'ils se rentreront sereins et a appuyé en disant qu'ils n'auront pas peur. Donc cela pour que les compagnons soient persuadés et soient rassurés de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعن ابن عمر وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. Et donc la preuve, donc la première, le verset est une preuve dans le Coran. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la preuve que al-halq, que le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux fait partie des obligations du pèlerinage, c'est le hadith de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, fais entrer dans ta miséricorde ceux qui se rasent la tête. » Qalu, ils ont dit, et ceux qui se raccourcissent, c'est-à-dire les cheveux, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, fais rentrer dans ta miséricorde ceux qui se rasent la tête. » Ils ont dit « Et ceux qui se raccourcissent ont envoyé d'Allah. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, fais rentrer dans ta miséricorde ceux qui se rasent la tête. » Ils ont dit « Et ceux qui se raccourcissent ont envoyé d'Allah. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et ceux qui se raccourcissent. » Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation à trois reprises pour qu'Allah azza wa jal accorde sa miséricorde à ceux qui se rasent leur tête, c'est-à-dire après avoir accompli leur pèlerinage, et n'a demandé la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui se raccourcissent les cheveux qu'une seule fois. Non. Pour les femmes aussi ? Pour les femmes aussi, les femmes, là il n'y a que Al-Qasr qui leur est légiféré. Il n'y a que Al-Qasr qui leur est légiféré, et certains savants donnent comme limite de raccourcissement des cheveux de la femme qu'il raccourcisse la taille d'une phalange. La taille d'une phalange. Il dit qu'il raccourcisse la taille d'une phalange. وقد اختلف جمهور العلماء في حكمه فذهب اكثرهم الى انه واجب يجبر تركه بدم وذهبت الشافعيه الى انه ركن من اركان الحج وسبب اختلافهم هو عدم الدليل على هذا او ذاك. Et les savants, ou la plupart des savants, ont divergé sur le jugement du fait de se raser ou de se raccourcir les cheveux. Et la plupart des savants considèrent que c'est une obligation et que celui qui ne le fait pas doit compenser ce manque en égorgeant une bête, en sacrifiant une bête. Et Al-Shafi'iyya, eux, considèrent que le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux fait partie des piliers du pèlerinage. Et la cause de cette divergence est le fait qu'il n'y a pas de preuve évidente qui permettrait de statuer de façon catégorique un jugement ou l'autre, comme l'en a informé Al-Sheikh al-Albani, rahimahullah, à l'auteur lui-même. Donc l'auteur a dit comme on a informé Al-Sheikh al-Albani, qu'Allah le préserve, c'est-à-dire à l'époque de son vivant. À l'époque de son vivant. Donc ici, les obligations du pèlerinage sont en nombre de 5. Mais on avait vu la semaine dernière concernant les choses recommandées que l'auteur avait citées, le fait de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Et que l'auteur, lui, considérait que le fait de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil était une chose préférable. Mais on avait vu la semaine dernière que l'avis de la plupart des savants est que le fait de rester à Arafat, qu'il est obligatoire de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi, et lorsqu'il est resté à Arafat, après que le soleil ait dépassé son zénith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir prié Al-Asr, s'est dirigé vers la Qibla, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé d'invoquer Allah azza wa jal jusqu'à ce que le soleil se couche, hatta raba al-qurs, jusqu'à ce que le disque solaire ait disparu à l'horizon. Jusqu'à ce que le disque solaire ait disparu à l'horizon. Et c'est la vue le plus sûr, Allah alam, c'est que celui qui arrive à Arafat en journée, après que le soleil ait dépassé son zénith, doit rester obligatoirement jusqu'à ce que le soleil se couche. Jusqu'à ce que le soleil se couche, mais que cette obligation ne concerne pas celui qui arrive à Arafat de nuit. Cette obligation ne concerne pas celui qui arrive à Arafat de nuit. D'accord ? Car on a vu qu'il est autorisé de réunir que le temps alloué dans lequel il est possible aux pèlerins de rester à Arafat, c'est la journée de Arafat depuis le moment où le soleil dépasse son zénith jusqu'au Fajr. C'est un moment où il est autorisé aux pèlerins de faire al-wukuf ou bi'arafah. Donc celui qui arrive en retard après le lever du soleil, est-ce qu'il a encore possibilité de rester à Arafat? On lui dit c'est bon, ton pèlerinage tu peux le reporter à l'année prochaine. Naham, le professeur Sam a dit Laylan ou Naharan, donc on lui dit va à Arafat pendant qu'il est encore nuit, avant que l'aube n'apparaisse. Et ça, beaucoup de gens ne savent pas ou ne le prennent pas en considération. Non. C'est pas la nuit d'avant. C'est la nuit d'avant. Non, c'est la nuit d'après. Là, c'est jusqu'à Laylat al-Eid. Fahimt? Jusqu'à Laylat al-Eid. La nuit d'Arafat, c'est celle d'avant. Non, Mahsan, toi. On peut. Ouais, non, c'est vrai. Laylat Arafah, ou Laylat al-Tasi', l'Yawm al-Tasi', c'est le soir du 8e. Et là, donc là, on parle du moment où la personne a le droit de rester, où il est permis, ou obligatoire même de rester à Arafat, c'est après que le soleil ait dépassé son zénith le 9e jour et le soir du 9e jour. D'accord ? Ou Laylat al-Eid. Laylat al-Aïd, Laylat al-Ashir. Laylat al-Ashir jusqu'à l'apparition de l'aube du lendemain. Jusqu'à l'apparition de l'aube du lendemain. Donc, en prenant en considération l'avis de la plupart des savants, les obligations du pèlerinage ne sont plus au nombre de 5, mais sont au nombre de 6. On peut penser que les piliers sont au nombre de 4 et les obligations au nombre de 7. Parce que l'avis de Mouss Dalifa, c'était pas. Que c'était pas. C'était pas. Tous les avants n'étaient pas d'accord, c'était un pilier. Tous les avants pouvaient rester en obligation. Naam, ça, on peut considérer ça aussi. C'est vrai. Il serait au nombre de 7, Ahsant. Car il y a Al-Mabitu bin Muzdalifa, qui lui est obligatoire. Et que l'auteur a considéré lui comme étant un pilier, Ahsant. Donc là, selon l'avis des savants, on peut considérer que les obligations sont au nombre de 7. La première qui est l'ihram depuis le miqat, la seconde de rester, de dormir les nuits de tashriq à Minan, la troisième le fait de lapider la grande stèle le jour de l'Eid et les trois stèles, chacune de 7 pierres durant les 3 jours de tashriq, le quatrième de faire tawaf al-wada', le cinquième de faire de raser sa tête ou de couper ses cheveux, le sixième de faire al-wukuf bi'arafa jusqu'à ce que le soleil se couche, pour celui qui arrive après az-zawal, après que le soleil ait dépassé son zénith, et avant que le soleil ne se couche. Et avant que le soleil ne se couche, et la septième obligation qui est al-mabitu bil-muzdalifa, qui est de passer la nuit à al-muzdalifa. Shurut al-tawaf. Ensuite, l'auteur parle du chapitre des conditions du tawaf. Ali ibn Abbas, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala at-tawaf hawla al-bayt mithl as-salah illa annakum tatakallamun fihi faman takallama fihi fala yatakallam illa bi khayr. Hadith sahih rawahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa Ad-Darimi wa Al-Hakim wa Al-Bayhaqi wa sahahahu Al-Albani fi Al-Irwa. Donc les conditions du tawaf. Quelle est la différence entre une condition et un pilier ? C'est qu'un pilier, si on le délaisse, l'adoration n'est plus valable. Un pilier, si on le délaisse, l'adoration n'est pas valable. Mais une condition, si. Si on la délaisse, le pilier n'est plus valable. L'adoration n'est plus valable. Les ablutions font partie des conditions de la prière ou des piliers de la prière ? Les conditions, celui qui ne fait pas ses ablutions, est-ce que sa prière est valide? Non. Quelle est donc la différence entre un pilier et une condition? La condition, c'est en fait avant l'acte d'adoration, et le pilier, c'est au sein même de l'acte d'adoration. Ahsant, on peut, la définition plus précise, c'est que la condition est un acte extérieur. La condition, c'est quelque chose que tu fais et qui ne fait pas partie intégrante de l'adoration. Qui ne fait pas partie intégrante de l'adoration. Est-ce que Al-Wudu fait partie de la prière? Non. Donc c'est pour cela que les ablutions sont considérées comme une condition et non pas un pilier. Al-Fatiha fait partie des piliers de la prière, car Al-Fatiha fait partie de la prière. Donc ici, les conditions de tawaf. Selon Abdullah ibn Abbas, le prophète a dit « Le tawaf autour de la maison est similaire à la prière, sauf que durant celui-ci, vous parlez. » C'est-à-dire durant le tawaf. « فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرِ » Et celui qui parle durant ce tawaf, qu'il ne parle qu'en bien. Qu'il ne parle qu'en bien. Hadith jugé authentique par Cheikh Al-Albani rahimahullah, rapporté par At-Tirmidhi ibn Khuzaymah, ibn Hibban, Ad-Darimi, Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Puis l'auteur dit فَإِذَا كَانَ الطَّوَافُ صَلَاةً فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ أَوَّلًا الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثَيْنِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم بِغَيْرِ طُهُورٍ ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. Et donc l'auteur dit, si le tawaf fait partie ou est considéré comme une prière, il est alors ou fait partie alors des conditions du tawaf, ce qui fait partie des conditions de la prière. Premièrement, at-taharatu min al-hadathayn, la purification des deux états d'impureté, le petit et le grand. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah azza wa jalla n'accepte pas de prière sans purification. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle a eu ses menstrues en période de Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit if'ali ma yaf'alu al-hajj, fais ce que fait le pèlerin. Il غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. Fais ce que fait le pèlerin, sauf de ne pas faire les tournées autour de la maison jusqu'à ce que tu te laves. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ici l'auteur considère que at-taharatu min al-hadathayn, que la purification des deux états d'impureté, le petit et le grand, est une des conditions, parmi les conditions du tawaf, car il considère que At-Tawaf fait partie ou est similaire à la prière. Et la différence qu'il y a entre la prière et le tawaf, ce n'est uniquement le fait que la personne parle durant le tawaf, parole qui n'est pas autorisée durant la prière, sauf si ce sont des paroles que la personne dit pour le bien de cette prière, comme on avait vu durant Kitab al-Salah, qu'il est autorisé à la personne de parler lorsque cela est pour préserver la validité de la prière. D'accord ? Concernant ce sujet, on l'avait déjà traité lors de Kitab al-Tahara, lors du chapitre de ce qui est interdit de faire pour celui qui n'a pas les ablutions, et on avait cité la divergence des savants concernant le tawaf. Certains savants considèrent qu'il est obligatoire et que la purification est une condition parmi les conditions du tawaf, et d'autres savants qui considèrent que ce n'est pas une condition. Que ce n'est pas une condition. Qui se rappelle des détails qu'on avait donnés ? Non ? Personne ne se rappelle ? Les savants, parmi les savants qui ont considéré que l'état de pureté n'était pas une condition, c'est-à-dire l'état de pureté le petit. Al-hadathu al-asrar. Al-hadathu al-asrar. Que le fait de ne pas avoir ou d'être en état d'impureté, mais le petit état d'impureté, c'est-à-dire qui est levé par les ablutions et non pas par le bain rituel, par le grand bain. Parmi ces savants, il y a Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui considère que At-Tawaf n'est pas une prière. Que At-Tawaf n'est pas une prière et que le Tawaf est différent de la prière dans beaucoup de points. Et la différence ne se restreint pas au fait que celui qui fait le tawaf a le droit de parler, alors que celui qui fait la prière, lui, n'a pas le droit de parler. Et parmi les preuves qu'a apporté Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est le fait que celui qui fait le tawaf, est-ce qu'il est en direction de la Qibla ? Non. Est-ce qu'il est en direction de la Qibla ? Non. Est-ce qu'il y a un recours et un sujoud ? Non. Est-ce qu'il y a un takbir et un taslim ? Non. Autant de différences qu'il y a entre le tawaf et la prière qui ont amené Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah à prendre l'avis que le tawaf ne fait pas partie, n'est pas considéré comme une prière, et que cela a pour conséquence qu'il est autorisé à la personne qui n'a pas ses petites ablutions de faire malgré cela son tawaf, et que son tawaf est accepté. Que son tawaf est accepté. Et ils ont répondu au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tawaf ou hawla al-bayt et mitlu salah, n'ont pas considéré ce hadith comme étant authentique. Ils disent que ce hadith est faible et que son authenticité n'est pas avérée et qu'on ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont répondu au hadith de Aisha radhiyallahu anha lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: fais ce que fait le pèlerin, si ce n'est de faire les tournées autour de la maison jusqu'à ce que tu te laves, autrement dit jusqu'à ce que tu sois en état de pureté et que tu te sois lavé. Et ici Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que ce hadith concerne le grand état d'impureté et non pas le petit, qu'il y a dans cela la preuve que celui qui est en état de grande impureté n'a pas le droit de faire le tawaf. Quant à celui qui est en état de petite impureté, que lui, rien ne lui interdit de faire at-tawaf. Wallahu a'lam. Sachant que le premier avis est l'avis de la plupart des savants. Et le second, l'avis de Cheikh Al-Islam Taymiyyah, mais également l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin à notre époque, rahimahullah ta'ala. Thaniyan satru al-awra li qawlihi ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa li hadithi Abi Hurairah أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. حديث متفق عليه. Donc la deuxième condition, c'est de cacher العورة, de cacher Al-awra, les parties que la personne n'a pas le droit de montrer. Les parties que la personne n'a pas le droit de montrer. Concernant l'homme, quelle est l'awra de l'homme ? Du nombril au genou. Du nombril au genou. Nombril et genou inclus ou non inclus ? Non ? Il y a une divergence des savants. Et on avait dit que l'avis le plus sûr, c'était que le nombril et les genoux ne sont pas inclus dans la awra. Que les genoux et le nombril ne sont pas inclus dans la awra. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et concernant la femme, Al-Mar'atou, il y a une divergence des savants. Certains considèrent que la femme entière est une aura, et la plupart des savants considèrent que la aura de la femme, c'est tout son corps hormis son visage et ses mains, hormis son visage et ses mains. Et ceci, c'est la aura de la femme envers les hommes qui lui sont étrangers, envers les hommes qui lui sont étrangers. Et quant à la aura d'une femme envers une autre femme, non, la même que les hommes. Quelle est l'aura d'une femme envers une femme? On avait déjà vu ça. Non, c'est de laisser paraître ce qui, au temps du professeur Asselem, ce que les femmes laissaient apparaître, à savoir les cheveux, le cou, les bras, les pieds et les mollets. Les pieds et les mollets. Et certains savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, ont dit que c'est à peu près l'endroit des ablutions pour la femme. C'est à peu près l'endroit des ablutions chez la femme. Et certains savants considèrent que l'avis, que la aura d'une femme envers une autre femme, c'est du nombril au genou. Certains savants considèrent que la aura d'une femme envers une autre femme, c'est du nombril au genou. Mais à notre époque, la plupart des savants, ou plutôt beaucoup de savants, ne considèrent pas cela, car il y a eu beaucoup d'excès. Beaucoup d'excès, et les femmes, en apprenant cela, ont... certains savants ont dit que... Car ils ont mal compris la parole des savants, car lorsqu'ils disent que la aura d'une femme envers une autre femme est entre le nombril et le genou, c'est-à-dire lorsque cela est découvert accidentellement. Lorsque cela est découvert accidentellement, ou lorsque la femme doit découvrir en cas de force majeure. C'est dans ce cas que les savants parlent de nombril au genou pour la femme. Mais non pas de montrer de montrer ce qu'il y a au-dessus du nombril, au-dessus du nombril, et au-dessus du genou, sans raison valable. Sans raison valable, les savants là ne considèrent pas cela comme autorisé, comme parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Donc, les savants qui disent que la aura de la femme envers une femme, c'est entre le nombril et le genou, ceci, c'est en cas de force majeure, ou lorsque la femme a découvert une de ses parties accidentellement. En sachant ce jugement, elle saura si elle a découvert une partie interdite ou non. Si elle a découvert une partie interdite ou non. Dans le cas des femmes qui allaitent leurs enfants, du coup, elles ne peuvent pas allaiter en présence d'autres femmes. Certains savants considèrent que c'est autorisé, car il y a là un besoin. Car il y a là un besoin, et d'autres savants ne considèrent pas cela comme autorisé. D'autres savants ne considèrent pas cela comme autorisé, parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et dit qu'une femme qui allaite ne doit pas montrer son sein à une autre femme. Allahu a'lam. La voix de la femme, elle est aura. La voix de la femme n'est pas une aura. Je n'ai jamais entendu un savant dire que la voix de la femme est une aura. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient appuyer cela, car beaucoup de femmes sont venues s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon directe. Et quelquefois sans obstacle. Et on l'avait vu l'histoire de la femme qui avait été divorcée par son mari et qui a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam presque en chuchotant. Et Aïcha radhiyallahu anha n'a pas entendu ses paroles et a dit « Gloire à celui qui entend toutes les voix. » Gloire à celui qui entend toutes les voix. Gloire à celui qui est au-dessus des cieux et qui entend toutes les voix. Car Allah Azza wa Jalla a entendu. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Allah Azza wa Jalla a entendu les paroles de cette femme qui se plaignait de son mari. Alors que cette femme chuchotait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Aïcha qui est à proximité n'a même pas entendu ses paroles. Et lorsque ce verset a été révélé, elle dit « Gloire à celui qui est au-dessus des cieux, mais qu'aucune voix ne lui échappe. » Ou comme a dit Aïcha radiallahu anha. Donc, la deuxième condition, c'est de recouvrir les parties que la personne ne doit pas montrer. La parole, la preuve dans le Coran et la parole dans la Résurgence lorsqu'il dit « Ô fils d'Adam, prenez votre beauté dans chaque mosquée. » Et la beauté se fait avec, hein, avec les vêtements. C'est-à-dire, habillez-vous de façon élégante lorsque vous vous rendez dans les mosquées d'Allah Azza wa Jal. Et le musulman lui est demandé et conseillé de s'habiller de façon correcte lorsqu'il se rend dans une mosquée pour adorer Allah Azza wa Jal. والحديث أبي هريرة إلى بخفس لجمال الحديث أبو هريرة رضي الله عنه qui dit que Abu Bakr رضي الله عنه l'a envoyé lors du pèlerinage dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a désigné Abu Bakr رضي الله عنه comme étant l'émir. Et ce pèlerinage a eu lieu la 9e année de Dhul-Hijja, c'est-à-dire juste avant l'année qui a précédé l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage. L'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son pèlerinage la dixième année de Dhul-Hijjah. Donc la 9e année, Abu Bakr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui n'a pas fait le pèlerinage à cette année-là. Et les savants ont donné beaucoup d'explications pour expliquer le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas fait son pèlerinage. Certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préoccupé par les affaires des musulmans. D'autres savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le pèlerinage cette année-là car il y avait encore les polythéistes à la Mecque. Et il faisait encore le tawaf autour de la Kaaba, et parmi eux, certains le faisaient sans être habillés, en étant tout nus. Car les mouchriquins, lorsqu'ils faisaient à l'époque le tawaf autour de la Kaaba, on avait vu cela, qu'ils devaient porter les vêtements que leur donnait Quraysh. Et ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir les vêtements de Quraysh devaient faire le tawaf autour de la Kaaba tout nu. Et certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait le pèlerinage cette année car il y avait encore ce genre de pratique. Donc Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Bakr qui était l'émir de ce voyage, a ordonné قبل حجة الوداع يوم النحر, a ordonné Abu Hurairah et un groupe d'autres compagnons le jour de Nahr, le dixième jour de Dhul-Hijjah, d'appeler les gens en disant an la yahujja ba'da al-'an mushrik, qu'après cette année-là il ne sera plus autorisé à un polythéiste de faire le pèlerinage, wa la yatufa bil bayt 'uryan, et qu'il sera interdit de faire le tawaf autour de la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal en étant nu. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Thalithan, an yakuna sab'ata ashwatin kamilatan, yanna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawafa sab'an, kama qala ibn Umar radiyallahu anhuma, قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ففعله هذا مبين للمراد بقوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه وإن شك بنا على الأقل حتى يتيقن. Donc la troisième condition, parmi les conditions du tawaf, c'est que le tawaf doit comporter 7 tournées complètes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf en faisant 7 tournées autour de la Kaaba, comme l'a dit Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, c'est-à-dire à la Mecque, il a fait le tawaf autour de autour de la maison 7 fois, c'est-à-dire qu'il a fait 7 tournées, puis a prié derrière le maqam, c'est-à-dire de Ibrahim alayhi salam, rak'atayn, il a fait 2 rak'at derrière le maqam d'Ibrahim, puis a fait 7 allées-venues entre As-Safa et Al-Marwa, et Abdullah ibn Umar a dit وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, et il y a dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela explique, ou ce fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam explique ce qu'Allah azza wa jalla a voulu dire en disant وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, qu'il fasse les tournées autour de la maison antique ou ancienne, وَلْيَطَّوَّفُوا أي سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَامِلَةً, c'est-à-dire qu'il fasse le tawaf, c'est-à-dire qu'il fasse le tawaf composé de 7 tours complets. Puis l'auteur dit فَإِنْ تَرَكَ شَيْهَ مِنَ السَّبْعِ وَلَوْ قَلِيلًا لَنْ يُجْزِئُهُ, et s'il ne complète pas les 7 tours, ne serait-ce que d'une distance très courte, eh bien son tawaf n'est pas valide. Son tawaf n'est pas valide, et s'il doute sur le nombre de tournées qu'il a fait, alors il doit se baser sur Hamukallah, il doit se baser sur la certitude. Il doit se baser sur la certitude. Donc celui qui a un doute et qui ne sait plus combien de tournées il a fait autour de la Kaaba, est-ce qu'il en a fait 3 ou 4, il doit se baser sur la certitude et considérer qu'il en a fait 3 et non 4. Et terminer le reste de ses tournées en se basant sur ce nombre inférieur. رابعا وخامسا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه جاعلا البيت عن يساره لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل 3 ومشى 4 فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف. Donc la quatrième et cinquième condition pour la validité du tawaf, c'est de commencer le tawaf de la pierre noire et de le terminer au niveau de la pierre noire, en positionnant ou en mettant la maison sacrée à sa gauche, dire de faire le tawaf et de faire en sorte que la maison soit à ta gauche. Et la preuve, c'est le hadith de Jabir radiallahu anhu, qui dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque, il s'est dirigé vers la pierre noire, fastalamahu, il l'a passé sa main dessus, thumma masha an yamini, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marché à sa droite. C'est-à-dire quoi? Que signifie la marcher à sa droite? À la droite de la pierre. La Kaaba, elle est... Qu'est-ce que ça veut dire, il a marché à sa droite? Parce qu'on peut comprendre qu'il a marché à droite de la maison. Ici, le prophète Hassem est arrivé à la Mecque, il s'est dirigé vers la pierre noire, a passé sa main dessus, puis a marché à droite. À droite de qui? À droite de la pierre, pourquoi? Pourquoi à droite de la pierre? Non? Parce que le prophète, lorsqu'il a essuyé lorsqu'il a passé sa main sur la pierre noire, il était en face d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en face de la pierre noire. Et une fois qu'il a passé sa main dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti sur sa droite. On peut comprendre que c'est la droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que c'est la droite, parce que si on dit la droite de la pierre noire, la droite de la pierre noire, elle est où? Elle est de l'autre côté. Donc en considérant la droite de la pierre noire, tu ferais le tawaf en laissant la Kaaba à ta droite. Donc ici, le prophète sallam a marché à sa droite, c'est-à-dire à lui. D'accord? Il est parti à droite. Et en partant à droite, en ayant la pierre en face, la Kaaba est obligatoirement à ta gauche. فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَا أَرْبَعًا. Et le prophète sallam a fait un ramel, c'est-à-dire il a accéléré le pas en rapprochant ses pas sans pour autant courir. فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَا أَرْبَعًا. Et on en déduit qu'il s'agissait de quel tawaf ici? De tawaf al-Qudum. De tawaf al-Qudum. C'est le tawaf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une fois qu'il est arrivé à la Mecque. Puis l'auteur a dit وَلَوْ طَافَ وَلَوْ طَافَ فَلَوْ طَافَ وَكَانَ الْبَيْتُ عَنْ يَمِينِهِ لَا يَصِحُ الطَّوَافِ. Et s'il fait le tawaf en laissant la maison sacrée à sa droite, eh bien son tawaf n'est pas valide. Donc celui qui fait le tawaf dans l'autre sens, son tawaf n'est pas légiféré. Son tawaf n'est pas légiféré et n'est pas valide. Il n'est pas accepté chez Allah Azzawajal, car cette personne aura fait le tawaf d'une façon différente de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que différente, elle est même contraire. Il aura même fait le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Sadisan an yakuna at-tawaf kharij al-bayt liqawlihi ta'ala wal yatawafu bil bayt al-atiq yaqtadi at-tawafu bi jami'ihi falaw tafa fi al-hijr la yasihhu tawafu liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam al-hijru min al-bayt. Donc la sixième condition, c'est que le tawaf se fasse à l'extérieur de la maison. Car Allah Azzawajal a dit, et qu'il fasse les tournées autour de la maison ancienne ou antique. Et le fait de faire le tawaf autour, c'est-à-dire dans sa totalité. C'est-à-dire de faire le tawaf à l'extérieur, alhamdoulilah. Et à l'extérieur de cette maison de la Kaaba, et que le tawaf doit englober l'ensemble de la Kaaba et en aucun cas de passer en milieu ou en travers, car il est possible de passer en plein milieu de la Kaaba, et ceci en faisant le tawaf et en coupant, en passant par Al-Hijr. Al-Hijr qui est le demi-cercle qui est présent à notre époque, qui est à droite de Al-Hajar al-Aswad, qui est au niveau de la partie qui est des deux coins dirigés vers le nord, le coin où il y a le Mizab en arabe, en français. Al-Mizab, c'est la gouttière. Dans le coin où il y a la gouttière, il y a une espèce de gouttière en or qu'il y a au-dessus de la Kaaba. En dessous, il y a Al-Hijr, il y a l'espèce de demi-cercle, l'édifice en forme de demi-cercle. Al-Hijr, le prophète Hassan a dit qu'il fait partie de la Kaaba. Al-Hijru min al-Bayt. Et Aïcha radhiyallahu anha aimait faire la prière dans la Kaaba, car il est autorisé de prier à l'intérieur de la Kaaba. Quelle est la preuve qu'il est autorisé de prier à l'intérieur de la Kaaba? Naam. Naam. Mais une autre preuve plus générale. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et la terre m'a été accordée comme étant un lieu de prière et un moyen de purification. Et la Kaaba fait partie de la terre. Et d'autres preuves qui sont innombrables, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans la Kaaba, et Aïcha radhiyallahu anha avait l'habitude de prier dans la Kaaba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prise par la main un jour et l'a amenée jusqu'au Hijr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de prier ici car il fait partie de la maison sacrée. Fa'innahu min al-bayt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la raison pourquoi est-ce que ce demi-cercle fait partie de la Kaaba sans pour autant être construit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que à Aïcha radhiyallahu anha, en disant que ton peuple avait un manque de ressources. Ton peuple avait un manque de ressources, c'est-à-dire financières, et à l'époque, il n'avait pas les moyens de construire la Kaaba dans sa totalité. Et il y a une partie qu'ils n'ont pas pu construire et dans laquelle ils ont construit Al-Hijr, dans lequel ils ont construit justement cet édifice en forme de demi-cercle. Pourquoi est-ce que Quraysh n'avait pas les moyens financiers? Car il s'était donné comme condition que l'argent qui allait servir pour l'édifice de la Kaaba ne devait être que de l'argent licite. Et en aucun cas, de l'argent illicite ne devait être mis ou injecté dans la construction de l'édifice de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui fait le tawaf et coupe sa tournée, son tawaf, en passant par Al-Hijr, en coupant, car entre le demi-cercle et la Kaaba, il y a un espace dans lequel la personne peut passer, dans lequel la personne peut entrer dans le Hijr, mais peut également en ressortir. Et celui qui fait le tawaf en passant par Al-Hijr, son tawaf n'est pas considéré comme valide, car il n'aura pas fait cette tour complète. Car il n'aura pas fait cette tour complète. Sabi'an al-mu'alah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم فإن قطعه ليتوضأ أو ليصلي المكتوبة التي أقيمت أو ليستريح قليلا بنى على ما مضى فإن طال الفصل استأنف فإن طال الفصل استأنف. Septièmement, le fait de faire les sept tournées les unes à la suite des autres, car le prophète صلى الله عليه وسلم a fait le tawaf ainsi. Et il a dit, prenez de moi vos rites, prenez de moi vos rites. Et l'auteur dit, et si il coupe ou il arrête son tawaf pour faire ses ablutions, ou pour prier la prière obligatoire qui est appelée, ou de se reposer un peu, de faire une petite pause, eh bien, il se base sur l'endroit où il s'est arrêté. Mais si la pause ou la coupure est trop longue, alors il doit recommencer son tawaf depuis le début. Donc celui qui a besoin, celui qui considère que l'odo fait partie des conditions, parmi les conditions du tawaf, et a perdu ses ablutions durant le tawaf, eh bien il lui est autorisé de partir, de faire ses ablutions, et de revenir et de continuer de l'endroit où il s'est arrêté. Et lui autoriser de continuer de l'endroit où il s'est arrêté. De même, lorsque la prière est appelée, la prière obligatoire est appelée, la personne doit prier et doit s'arrêter pour prier cette prière obligatoire, et une fois la prière accomplie, de continuer son tawaf de l'endroit où il l'a arrêté. De même pour les personnes qui sont faibles ou qui sont fatiguées, qui ont besoin de s'arrêter un certain temps pour se reposer et continuer par la suite leur tawaf, il leur est autorisé de reprendre le tawaf de l'endroit où ils l'ont arrêté. De même pour les personnes qui ont commencé le tawaf, par exemple au niveau de l'esplanade, mais ayant trop de monde, décide de faire le tawaf au premier étage, il lui est autorisé de continuer le tawaf au premier étage à l'endroit où il s'est arrêté au niveau de l'esplanade. Pareil pour le sa'i, on le verra, qu'il est autorisé pour celui qui s'arrête dans le sa'i car il y a trop de monde, s'arrête en plein milieu de le mas'a et qu'il décide de continuer son tawaf au premier étage ou au sath ou sur le toit de la mosquée, il lui est autorisé de continuer son sa'i à l'endroit où il s'est arrêté en bas, au rez-de-chaussée. Non. Et si le temps est trop long, si la personne a trop tardé et a arrêté son tawaf une durée trop longue, il doit recommencer son tawaf depuis le début. Non. Ça veut dire quoi, le mouala? C'est ça, c'est le fait de faire suivre les tournées les unes après les autres. Comme al-mouala fait l'ourdo. On avait dit que al-mouala fait l'ourdo, c'est de faire son ourdo sans l'interrompre, de laver les membres les uns après les autres. Et les savants ont donné comme définition de mouala, c'est le fait de laver un membre avant que le précédent ne sèche. De laver un membre avant que le précédent ne sèche. Et ici, al-mouala, ce n'est pas de faire une tournée, puis d'aller boire ou d'aller manger ou d'aller faire autre chose, puis de revenir, de faire le deuxième tawaf, etc. etc. Si les savants n'avaient pas donné comme condition le fait que le tawaf, cette tournée se fasse les unes après les autres, en se succédant, bien les gens auraient séparé ou divisé leur tawaf dans la journée. Bon, je vais faire deux tournées le matin, deux tournées l'après-midi, deux tournées le soir et une tournée le matin. Non. Les tournées, tu les fais les sept, les unes après les autres, car le professeur Asselam a fait ainsi. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك